L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Pierre Badarou, vous êtes musicien, multi-instrumentiste, vous êtes également compositeur associé au Dôme Théâtre, la scène conventionnée d'Albertville, j'ai bien dit les choses? Vous avez bien dit les choses. Nous allons parler ensemble d'un spectacle atypique. Là, vous nous invitez pour un concert narratif, voire poétique, sous casque, ai-je lu? Sous casque. Donc là, finalement, homme de radio que je suis, je prête une oreille un peu plus attentive, puisque vous-même, vous allez solliciter l'oreille de chaque spectateur pour le spectacle d'Ambé, qui aura lieu les 19 et 20 avril 2017. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, d'Ambé, c'est d'abord un récit autobiographique coécrit par Aya Sissoko et Marie Desplechin. Autobiographique puisque c'est la vie d'Aya Sissoko. Aya est une jeune femme qui a aujourd'hui 36 ou 37 ans, qui est née en France, de parents maliens et qui connaît une enfance pour le moins douloureuse puisqu'elle perd son père et sa petite sœur dans un incendie criminel à Paris. Donc c'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie, tout à fait. Mm-hmm. Et on va suivre le parcours de cette petite fille qui devient une adolescente et une jeune femme et dont l'enfance et l'adolescence sont parsemées de moments de vie extrêmement douloureux et qui s'en sort grâce à une mère exceptionnelle et aussi grâce à la boxe. Aya va croiser sur sa route la boxe française puis la boxe anglaise dont elle sera triple championne du monde en française puis championne du monde en boxe anglaise. Voilà, elle a un parcours étonnant avant de faire Sciences Po dans le cadre d'une possibilité offerte à des sportifs de haut niveau de se reconvertir. Et derrière ce récit de vie, on a le récit de la France des 40 dernières années, dans sa relation avec les gens qui arrivent dans son pays et ceux qui y naissent, la place qu'on fait aux femmes. Et voilà, c'est une photographie qu'on a voulu, donc bien sûr littéraire, puisqu'on s'appuie sur ce texte, adaptation du texte réalisé par Olivia Krieger, comédienne qui joue ce spectacle, et la musique et le sonore, puisque nous sommes deux musiciens à fabriquer une sorte de bande-son onirique qui se mêle totalement au texte et que chaque spectateur peut écouter au casque. Alors, juste retour sur le texte en question, si vous le voulez bien, c'est parce que je vous ai interrompu pour bien préciser qu'il s'agit d'une histoire vraie. Oui. Donc là, on n'est pas effectivement dans la fiction. On est sur. Vous vous êtes emparé, en quelque sorte, du roman éponyme d'Aya Sissoko, justement, sur son histoire. Un livre écrit à quatre mains avec Marie Desplechin. Oui. Une histoire vraie, disais-je. Comment se fait ce processus pour vous, justement, de vous appuyer sur de la littérature, sur des histoires vraies comme celle-ci, en plus douloureuses, mais en même temps, histoire sur le courage, la détermination, la ténacité, quête de sens peut-être aussi? Pourquoi, pourquoi ce travail à partir de l'écriture littéraire? Parce que, vous savez, mon travail de musicien s'appuie à la fois sur deux choses. L'envie de transmettre et de rencontrer des spectateurs sur des sujets ou poétiques ou réels, ou de choses qui sont importantes dans notre société, et d'en faire du spectacle. Non pas du spectacle parce qu'on s'amuse, mais parce qu'on peut transmettre différemment avec cette forme-là. Donc quand on a rencontré le récit d'Aya Sissoko, il nous a touchés, il nous a bouleversés, mais il nous a touchés au-delà même de ce qu'Aya raconte de sa vie et de son intimité, mais dans ce qu'il représente aussi d'universalité. Donc, la forme, le texte était, pour nous, il y avait une sorte d'évidence. On avait fait un premier spectacle qui évoquait la France de la Seconde Guerre mondiale. Là, il y avait une sorte de continuité temporelle. Et avec ce trio constitué de deux musiciens et une comédienne, on a eu envie de s'emparer de ce texte pour aller le susurrer au creux de l'oreille des gens. Voilà, alors, il y a vraiment cette dimension-là. Le susurrer, voire le chuchoter à l'oreille de l'auditeur-spectateur, car vous les invitez effectivement dans ce processus scénique d'être munis de casques, donc chaque spectateur, auditeur a son casque. Donc là, en effet, une expérience atypique sur le plan théâtral. Oui, atypique, parce qu'effectivement, là, on rompt les codes traditionnels du spectacle, puisque là, les spectateurs ne sont pas assis sur les fauteuils et nous, en face sur la scène, mais les spectateurs sont à plat, au sol, sur la scène, et nous, nous sommes autour d'eux. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'abandon, puisque assis ou couché, muni d'un casque, on peut fermer les yeux et partir, s'abandonner. On peut nous regarder, on peut jeter un coup d'œil quand on est curieux de savoir d'où vient ce son, quand on a le désir de regarder la comédienne qui dit et joue en direct son texte, mais elle le dit et elle le joue dans un espace de 3 mètres carrés devant un micro. Donc tout se fait à cet endroit-là, les deux musiciens ont un même espace, et c'est l'abandon. Mais c'est aussi une marque de fabrique de la compagnie, parce que dans Climax, on a la même chose, même si c'est un spectacle frontal, on a le désir que les gens puissent fermer les yeux et écouter seulement. Alors, oui, deux musiciens, une narratrice, Olivia Krieger, avec une voix, pour avoir entendu un extrait, une voix plutôt envoûtante. Oui. L'occasion, effectivement, l'appareil d'avoir une relation à la fois très intime et voire collective avec les spectateurs. Oui, c'est exactement ça. C'est à la fois intime et collectif. C'est un peu l'expérience du cinéma quand vous êtes dans une salle pas trop immense et que vous sentez que tout le monde est relié par la même émotion et qu'en même temps, chacun est dans sa bulle et là, particulièrement puisqu'on est au casque. Mais nous qui sommes au casque aussi et qui entendons exactement la même chose que les spectateurs, je peux vous promettre qu'on est clairement reliés. Il n'y a pas du tout, on pourrait craindre l'individualisme lié au casque, mais pour faire des spectacles comme celui-ci et comme le précédent depuis 5 ans, 6 ans en tournée dans toute la France, c'est pas du tout le cas. Il y a une communion et communication qui est évidente, puisque c'est nous qui sommes en train de faire et qui sommes en train de porter cette voix et ces voix musicales, sonores, directement dans le creux de l'oreille du spectateur. Et ça, chacun en a conscience. Au niveau de la forme sur le plan musical, là, pareil, de la musique en direct, des sons enregistrés et une palette musicale au niveau des styles. On parle de musique électroacoustique, de jazz contemporain, de formes improvisées ou mélodiques. Donc là, pareil, vous avez une palette musicale et sonore à disposition. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile, je pense, de classer ces musiques-là. Même Climax pourrait être associé un petit peu plus à une forme jazz, mais je crois que c'est vraiment, pour moi en tant que compositeur, c'est voir comment le texte, les émotions ou la poésie du texte résonnent en moi et qu'est-ce qu'elles provoquent comme envie de composition. Alors, on met un autre compositeur, ça provoquera autre chose. En tous les cas, moi, ça produit le spectacle ou les spectacles que vous allez voir, mais... la volonté n'est pas d'enfermer effectivement dans une esthétique particulière, mais plutôt d'essayer de trouver des résonances avec le récit. Le dispositif scénique, puisque écoute particulière, individuelle pour chaque spectateur un casque, ça veut dire que au niveau du nombre de spectateurs possibles, je crois que c'est prévu jusqu'à 160, c'est ça? C'est cela, oui, tout à fait. On a un dispositif qui nous permet d'accueillir 160 spectateurs. Très bien. Dernier mot, juste par rapport au titre de ce spectacle, expérience unique à vivre, ai-je lu dans la presse, spectacle sur le courage, la ténacité, la quête de sens, disais-je aussi, c'est bien plus que de la musique, on est bien d'accord. Dembe, ça veut dire dignité en Bambara, c'est ça? C'est ça, ça veut dire dignité et c'est ce que Massiré, la mère d'Aya, survivante avec ses deux enfants, tente de leur transmettre pendant toute leur enfance, d'une façon un peu dure parfois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour s'épancher, pour signifier sa tristesse. Mais la dignité, c'est faire face aux événements, quels qu'ils soient, et se comporter bien. Voilà, donc elle transmet ça à ses enfants, et les enfants grandissent avec cette notion que leur mère ramène clairement du Mali, de sa culture, et malgré toute la douleur, on se comporte avec dignité. Un grand merci à vous, Pierre Badarou. Je rappelle, ce spectacle d'Embé est à découvrir en avril prochain à l'affiche de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise. Les représentations auront lieu au Théâtre des Arts à Cergy les 19 avril et 20 avril 2017. Merci à vous. Merci.